so well hidden. Everything so neat. The condition of catastrophe. Thank you. S'anéantit par le travail, étreignant par carcasse abîmée de torsions répétitives. L'organisation d'usine pousse dans ta tête vide son éternelle routine. La machinerie se branle dans ton corps, brisant la volonté. Thank you. Thank you.